suis avec Laurence pour parler de la troisième édition du Metal Night de Pamiers. Salut Laurence, merci d'être avec moi. Salut, merci, merci à toi. Alors on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux Oui. déjà me dire quel rôle tu as dans le Metal Night? Je le sais déjà, mais pour resituer quand même. Alors, quel rôle j'ai dans le Metal Night? Co-organisatrice, donc je ne suis pas toute seule, je suis avec Jonathan Fini, qui lui a donc organisé les éditions précédentes, puisque donc c'est la troisième édition, celle-là. Et voilà, donc je suis rentrée dans l'équipe avec lui et je suis très contente d'y être et ça se passe très bien. Nickel. Donc c'est un événement qui est organisé au Globetrotter Brasserie, donc à C'est ça. Pamiers, dans Ouais. l'Ariège. Est-ce que tu peux nous parler un peu des conditions d'accueil? Est-ce qu'on peut manger sur place, boire sur place? Ça paraît évident. Alors, oui. Mais aussi niveau stationnement, taille, un peu nous décrire le grand tableau de ce qu'est cette brasserie. Alors, c'est une brasserie ariégeoise, donc c'est pas dans Pamiers, c'est pas dans le centre-ville de Pamiers, c'est un tout petit peu avant. Et oui, donc c'est une brasserie, donc on peut manger, on peut boire, et c'est une brasserie qui renouvelle sa carte toutes les semaines et qui travaille avec des producteurs locaux, donc que des produits qui viennent de la région, que c'est de la cuisine faite maison. Oui, donc oui, on peut se garer. Pour le festival, donc il y a la partie à proprement parler musique, donc il y a une scène avec les concerts. Et là où il y a la brasserie, il y a la restauration, pardon, il y a des stands. Il y a un stand de vêtements, Agony Clothing, ça s'appelle. Il y a un tatoueur qui s'appelle Inkpack Tattoo Shop. Et il y a un luthier. Et il y a un stand aussi d'impression 3D, donc qui a toute une collection de figurines imprimées en 3D, de Star Wars, de toutes ces choses-là, de toute la culture pop, si on peut dire. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu des deux premières éditions qui ont eu lieu, parce que ça a été deux éditions assez rapprochées. Alors toi, tu as rejoint Ouais. l'équipe depuis, mais bon, je suppose que tu étais déjà un peu dans l'entourage de l'événement. Oui, alors les deux premières éditions, je les ai faites en spectatrice, on va dire. La dernière, donc c'était le 27 septembre 2025, et il y avait Corporal Punishment, il y avait Rectifier, il y avait évidemment Soulbreaker et Severed Soul. Il y avait, je crois, Zack Sabbath, qui est donc un cover band de Black Sabbath. Et je crois qu'il y avait un autre groupe, mais je ne me souviens pas du nom, honnêtement. Et l'édition d'encore avant, je crois que c'était en avril 2025, et donc il y avait aussi Severed Soul et Soulbreaker et encore un autre groupe, donc j'ai oublié le nom. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'étais venue plus en spectatrice, donc j'étais pas encore, on va dire, impliquée dedans. Mais ça a suffi à te Et oui, convaincre. donc. Mais ça a suffi à te convaincre. Ah oui, après oui, c'est sûr que c'est, je pense, quelque chose qui va se mettre en place sur le long terme, mais il y aura d'autres éditions à venir. Bah justement, là, vous faites un peu la plus grosse édition jusqu'à présent. Vous avez quand même prévu sept groupes. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette affiche qui est bon, très fortement def. Ouais. Voilà, mais est-ce que tu peux voilà nous les présenter un petit peu Alors, c'est vrai que cette édition-là, elle est un peu plus conséquente que les précédentes. C'est vrai que la première édition, il n'y avait que trois groupes. Mais après, voilà, c'est quelque chose qui évolue, qui grossit au fur et à mesure du temps. L'affiche, alors, il y a effectivement sept groupes, dont un qui vient de Belgique. Et. Bon, j'ai une petite fierté personnelle, mais c'est Blitzkin, donc qui est un groupe de Brutal Death. Et en fait, j'étais en contact avec la chanteuse, Céline Mazet, parce qu'elle est belge et du coup, enfin, j'ai de quelques contacts, enfin, j'ai un petit réseau en Belgique, on va dire, dans le milieu métal, qui est en train de se faire petit à petit. Et puis, j'avais discuté avec elle de savoir si éventuellement ils pourraient venir jouer en France, parce que moi, je voulais les faire venir ici à Toulouse. Et puis bon, voilà, je lui ai envoyé un message, je lui ai expliqué la Metal Night de Pamiers, et puis voilà, je l'ai mise en contact avec Jonathan, et après, ils ont fait leur petite affaire, et puis voilà, et ça s'est fait comme ça, et finalement, ils sont là, et je suis très heureuse qu'ils soient là. Et oui, ensuite, on a Tenth Fate, qui est donc pareil, Death Metal de Toulouse, ici, parce qu'après, on n'a que des groupes de Toulouse, de la région toulousaine. Tenth Fate, qui va jouer au Hellfest cette année. Voilà. Oui, c'est ça, je les ai vus sur scène avec Nervosa, donc Hellfest Warm Up en 2024, et c'était vraiment, vraiment bien, quoi. Sur scène, c'est vraiment propre. Ensuite, on a Sulfator, donc du thrash progressif, pareil de Toulouse aussi, des gens très sympathiques, sur scène aussi très très bien. Ensuite, on a Soulbreaker, évidemment, donc thrash metal, ils ont sorti un EP en avril, Rising from Insanity, qui est disponible sur toutes les plateformes. Ensuite, on a Severed Soul, qui est aussi. Alors, ils sont originaires de l'Ariège et ils ont aussi un EP à leur actif, 5 titres, Wrath of Lords, ça s'appelle, et c'est sorti le 20 août 2025. Ensuite, on a Everrise qui vient de sortir un album aussi, Lost, le 9 décembre, le 9 décembre. Et donc, voilà, un peu plus Melodes là, donc voilà, donc on essaye d'un petit peu d'alterner. Et on a Nameless qui est aussi un jeune groupe toulousain prometteur. Mélodès aussi, voilà. Donc c'est assez, c'est très death, mais ouais, on essaye de mélanger des petits acabits avec des grosses têtes d'affiche pour que tout le monde y trouve son compte en fait. Je pense que même pour les groupes, c'est chouette aussi. Ouais. Bah, après, je confirme la qualité de l'affiche. Nous, on a eu l'occasion de couvrir quatre de ces groupes sur l'année qui vient de passer, Ouais. dont trois en interview. Donc, ouais, c'est une très belle affiche toulousaine et autres. Ouais. C'est important pour vous de promouvoir quand même le local, malgré tout. Oui, quand même. Oui, quand même, parce que bah, par exemple, le Globetrotter Brasserie, bah, c'est eux, ils travaillent avec des produits locaux. On a des stands d'artisans locaux. Et en fait, oui, bah, les groupes locaux, la musique locale, moi, je l'ai quand même beaucoup. Enfin, je la suis de près et depuis un petit moment. Moi, ça fait que 2 ans que j'habite à Toulouse. Et je suis bien obligée d'admettre que des groupes à Toulouse, enfin, je veux dire, il y a de quoi s'amuser, clairement. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Et en fait, la scène, elle est tellement diversifiée, et puis c'est créatif, et il y a plein de choses à faire. Il y a un terrain de jeu qui est tellement vaste que ça en devient presque. Des fois, c'est un petit peu. Je suis un peu débordée, je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout suivre. Mais moi, à échelle individuelle, tout ce que je peux faire pour promouvoir la scène locale, je le fais. En fait, je le fais parce que je sais que c'est très difficile d'avoir un groupe, je sais que c'est difficile de se faire une place, c'est difficile de se faire connaître, parce qu'il y a plein de groupes. Et je peux, ça, enfin, si je peux leur donner une visibilité quelconque, même à petite échelle, je le fais. En fait. Donc voilà. Et je pense que Jonathan sera largement d'accord avec moi. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu du prix de cette belle soirée qui s'annonce du coup le 28 février? Alors, c'est 5 euros en pré-vente et 8 euros sur place, donc c'est relativement abordable. Bah, très très abordable même, oui. C'est très très abordable. Après, c'est vrai que c'est en fin de mois et que c'est la période où souvent les gens, ils ont pas tellement, enfin, ils ont plus d'argent, on va dire. On sait très bien que la vie, elle est dure pour tout le monde. Oui, après, le prix, c'est relativement abordable pour ce que c'est. On a fait quand même beaucoup, beaucoup de pré-ventes, donc il nous en reste plus beaucoup. Enfin, il nous en reste à peu près une cinquantaine. Donc voilà, bon, après il reste 21 jours, donc voilà, 19 jours même, Oui. donc oui, donc franchement, je pense que ça va aller. Ok, bon, mais Je suis c'est très sûr. confiante sur ça. Ok. Est-ce que tu peux aussi nous préciser un peu les temps, à quelle heure ça va démarrer, à quelle heure ça va finir, à peu près la durée des sets, enfin, la durée des setlists, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça pour finir, pour donner une bonne Alors, idée aux gens de ce qui va se passer? donc ouverture des portes à 16h. Et donc le premier groupe, donc c'est Nameless qui passe en premier et il passe à 16h30. Et normalement, c'est à peu près 40 minutes selon, là, c'est, enfin, selon le répertoire des groupes, évidemment, mais c'est à peu près 40 minutes de show par groupe, avec 20 minutes de changement de plateau à chaque fois. Et le dernier groupe, donc c'est Bitkin qui eux passent à 23h20, il me semble. C'est ça. Et je pense que c'est le show qui va durer le plus longtemps. Ben là, cette liste a été postée, enfin pas la cette liste, pardon, le running order a été posté ce matin. Donc voilà, c'est Jonathan qui s'en est chargé surtout sur ça, d'essayer de faire que chaque groupe soit à peu près, enfin que ça soit cohérent et que tout le monde soit satisfait quoi. Donc voilà, ça va être bien. Ça va être franchement bien bien fort quoi. Ça va être une belle soirée bien intense, c'est sûr. Ouais. Du coup, je me permets de te relancer dessus, vu que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Vous avez déjà dans l'idée de faire d'autres dates? Est-ce que vous allez vouloir, je crois que tu m'avais parlé de 2 par an à peu près. Est-ce que vous avez une volonté aussi de varier un peu les styles ou de rester toujours dans des styles un peu plus extrêmes comme le death ou le black? Enfin, c'est quoi le projet un peu global? Alors, moi, je pense personnellement que ça va continuer. Et si on me propose de rester dans l'équipe, je reste. On en est vraiment au balbutiement de la prochaine édition. Rien n'est encore fixé. Donc, je ne vais pas m'avancer sur ça. Je ne vais pas donner de date. Parce que, pour Oui, bien l'instant, sûr. on est sûr de rien. Mais en tout cas, oui, si on peut le faire pérenniser, on le fera pérenniser. Ça, c'est sûr. Parce que c'est relativement abordable pour les gens, ça leur fait plaisir, ça reste quand même dans un endroit qui est assez familial, c'est une musique qui est aussi quand même très familière à beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de métalleux ici dans la région toulousaine et en dessous de Toulouse parce qu'on est en Ariège. Et puis oui, hein, comme je disais tout à l'heure, la scène locale, il y a tellement de groupes dans plein de styles différents, hein, pas que dans le métal extrême, on a aussi du power, il y a plein de groupes de power, du symphonique, enfin, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de choses à faire, à exploiter ici en tout cas. Complètement. Écoute, moi j'en ai fini avec mes questions, on va s'arrêter là. Félicitations de participer à faire vivre la musique en Ariège parce que c'est un défi. Nous, ce que je te disais la dernière fois qu'on s'est vu, on est partenaire avec le Metal Fest 09 depuis la première Je édition. sais. Et voilà, eux aussi se battent pour faire vivre cette culture musicale en Ariège. Et ben, je sais que c'est pas toujours évident pour personne, donc bravo. Ah ben, ça se développe petit à petit, hein. Ça se réveille quoi, et c'est très bien, hein. C'est Complètement. vraiment, il y a plein, mais pas que en Ariège, hein, même dans le Tarn et Garonne, de partout, il y a des choses qui se Ouais. font. Merci beaucoup, Laurence. Ben, merci à toi. Et du coup, rendez-vous le J'espère qu'on se voit 28 février. le 26 février, tout à fait. Donc voilà, moi j'y serai probablement depuis, enfin la veille, j'arriverai probablement la veille. Donc oui, on se croisera. Et franchement, s'il y a encore des gens qui n'ont pas pris leur prévente, franchement, dépêchez-vous. Ouais. Parce que voilà, c'est vraiment une soirée à ne pas rater. Je sais que le mois de février surtout est particulièrement chargé. Ça, Parce c'est sûr. qu'il y a énormément de concerts, il y a Mayhem, il y a Cryptopsy, il y a Cataclysme, il y a Oui. beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, on Donc, essaie de faire une petite place. dans écoute, le dans l'événementiel, on va dire. Ouais. si déjà les préventes sont bien parties, Oui. c'est cool, Oui. c'est parfait. Ouais. Super, merci Ça va. beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée.